Voici l'offrande de la paix. Le don partagé dans la joie. Devant l'Éternel, on s'avance. Dans l'alliance et la confiance. Du troupeau mâle ou femelle, sans défaut devant l'autel, on impose la main en silence et le sang scelle l'alliance. Ce qui brûle monte aux cieux, offert comme un parfum précieux. Je viens dans la paix de ton nom, réconcilié devant ton trône. Je partage le pain. Je partage l'amour dans la lumière de tes jours. Je viens dans la paix de ton nom, en communion, en pardon. Ce qui m'unit à toi, Seigneur, devient offrande de mon cœur. La graisse brûle pour l'Éternel, par consacration. En sainte communion et partagée dans la maison. Tu fais de nous un même pain, un seul souffle, un seul chemin. Ce qui était brisé